بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام نواصل في هذه السلسلة في شرح عمدة الأحكام on continue aujourd'hui inshallah ta'ala cette série dans l'explication de عمدة الأحكام Kitab al-Salat, le chapitre de la prière. Bab al-Janaza, le sous-chapitre concernant la Janaza. Wa ma'ana al-yawm hadith Samurah ibn Jundub. Qal sallaytu wara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala imra'atin matat fi nifasiha. Samurah ibn Jundub, il nous dit j'ai prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une femme, donc la prière mortuaire, sur une femme qui est morte, finifasiha, dans ses logis, pendant les logis, donc la période quoi, c'est ça? Là, huna fi bimana as-sabab. Le terme « fi » ici, il indique la cause. On a déjà vu le hadith, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Dakhalat imra'atun al-jannah fi hirra wa udhibat imra'atun fi hirra » Et donc, une femme qui a été châtiée à cause donc du traitement qu'elle a accordé à un chat. Ce hadith, on l'avait vu dans cette mosquée. Donc, le terme « fi » ici, c'est « à cause ». Et donc, ici, c'est la même chose. C'est « à cause de ses lochis ». « Wa hadha al-hadith fihi anna al-imam fi salati al-janaza idha qama ala janazati imra'atin qama wasataha » Et donc, il apparaît de ce hadith que lorsque l'imam, il accomplit la prière mortuaire sur une femme, alors il se tient au milieu de celle-ci. وَإِذَا قَامَ عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ قَامَ عَلَى رَأْسِهِ Par contre, si l'imam se tient, si l'imam accomplit la prière mortuaire sur un homme, alors il se tient au niveau de la tête de cet homme. وَهَذِهِ هِيَ السُنَّةِ C'est ça la sunna. Donc ici, dans ce hadith, on voit la preuve concernant la femme. Et concernant l'homme, c'est un hadith qui a été rapporté dans Jami' al-Tirmidhi. Donc, Abu Ghalib qui nous dit Sallaytu ma'a Anas ibn Malik ala janazati rajulin fa qama hiyala ra'sihi. Il dit donc Abu Ghalib, j'ai prié avec Anas ibn Malik radiyallahu anhu sur donc on a fait la prière mortuaire sur un homme et il s'est tenu, c'est-à-dire Anas, il s'est tenu au niveau de la tête de cet homme. Thumma ja'u bi janazati imra'atin min Quraysh. Ensuite, ils sont venus avec, donc, la genèse d'une femme de Quraysh, une femme morte de Quraysh. Fekalu, ya Aba Hamza, salli alayha. Alors, ils ont dit, oh Aba Hamza, prie sur elle. Prie sur elle. Fekama hiyala wasatiha. Alors, à ce moment-là, il s'est tenu au milieu de cette femme. Il s'est tenu au milieu de cette femme. Fekala lahu al-ala ibn Ziyad. هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه. Et donc Al-Ala ibn Ziyad, il a dit à Anas, est-ce que c'est comme ça que tu as vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tenir à l'endroit où tu t'es tenu concernant la genèse de l'homme et à l'endroit où tu t'es tenu concernant la genèse de la femme? Anas a répondu en disant Na'am. فَلَمَّا فَرَغَ قَالُوا اِحْفَظُوا Alors, lorsqu'il a fini, donc, ils ont dit, retenez cela. اَيْ اِحْفَظُوا هَذِي sunnah. Retenez cette sunnah, ne la délaissez pas. فَهَذِهِ هِيَ sunnah. On fait la distinction entre la genèse de l'homme et celle de la femme. La sagesse en cela, plusieurs savants ont cité plusieurs sagesses par rapport à cela, mais à la kulli hal, Alayna an na'mala bin nusus. Nous devons œuvrer avec les textes. Comme il nous dit le Cheikh al-Najmi, qu'on ait compris la sagesse ou pas, dans tous les cas, on œuvre avec le texte. Dans tous les cas, on œuvre avec le texte. Wa subhanallah, hadhihi al-mas'ala hiya min al-masa'il allati li kulli imamin min al-a'immati al-arba'a fiha qawl. Ce sujet-là fait partie des sujets pour lesquels chacun des quatre imams a son avis sur ce sujet-là. Pourtant, on a vu les hadiths, mais subhanallah, Allah Azza wa Jal nous montre que personne n'est exempt d'erreur. Peu importe la science qu'ils ont, il est impératif qu'ils tombent dans l'erreur. Et donc les quatre imams ont divergé sur ce sujet. فذهبت الحنابلة وقالوا بأن الإمام يقف عند صدر الرجل ووسط المرأة. Alors, الحنابلة, ils disent que l'imam, il se tient au niveau du torse de l'homme et au milieu du corps de la femme. Pas de la tête, mais le torse de l'homme. La poitrine de l'homme. Ils nous disent pourquoi. لأن من وقف على الصدر فكأنما وقف على الرأس. Ils disent pourquoi? Parce que celui qui se tient au niveau de la poitrine de l'homme, c'est comme s'il se tient au niveau de la tête, c'est pareil. Voilà, yusallam lahum dhalik. Et ça, on n'accepte pas. Pourquoi? Parce que les textes, ils stipulent bien la tête. Tu te tiens au niveau de la tête. Et donc ça, c'est l'avis de Al-Hanabila, les savants de l'école Hanbalit. Wa dhahabat al-Ahnaf ila anna al-imam yaqifu 'inda sadr ar-rajul wa 'inda sadr al-mar'ati kadhalik. Al-Ahnaf, il voit que l'imam, il se tient au niveau de la poitrine de l'homme et de la femme. Pas de distinction entre les deux. Au niveau de la poitrine de l'homme et de la femme. Pourquoi? Ils disent, comme c'est cité dans leur livre, ils disent لِأَنَّ هَذَا مَكَانَ هَذَا هُوَ مَكَانُ الْقَلْبِ. C'est là que se situe le cœur. Et donc c'est là que c'est mieux de se tenir. Et c'est là qu'on comprend clairement, oh cher frère, même cette parole qui a été attribuée donc à l'imam Abu Hanifa, qui dit, si je prononce une parole qui est contraire aux preuves, alors accroche-toi à la preuve. Il ne faut pas qu'on pense que parce que c'est un imam dans le fiqh, que ça veut dire qu'il connaît tous les hadiths qui ont été rapportés du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On a vu Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, parmi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on a vu donc qu'il n'était pas au courant des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, concernant le linceul et le lavage du mort qui est, de celui qui est mort en état d'ihram, en état de sacralisation. Ça, c'est Abdullah ibn Omar, le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne peut tout savoir. Personne ne peut tout savoir. Al-Malikiya, قالوا إن الإمام يكيف عند منكب المرأة ووسط الرجل. Al-Malikiya, ils ont dit donc que l'imam, il se tient au niveau de l'épaule de la femme et le milieu du corps de l'homme. Ça, c'est l'avis de Al-Malikiya. والذين وافقوا السنة في هذه المسألة هم الشافعية. Et ceux qui ont été en accord avec la sunna dans ce sujet, c'est les savants de l'école Shafi'ite. C'est ceux qui ont dit que ar-rajul yaqifu al-imam 'inda ra's ar-rajul wa wasat al-mar'ah. Et donc Shafi'iyya, l'école Shafi'ite, ils disent que l'imam, il se tient au niveau de la tête de l'homme et au milieu de la femme, comme cela apparaît clairement dans les hadiths qu'on a récités précédemment. فهذا القول هو الراجح ولا شك في ذلك. Et donc cet avis, c'est l'avis qui est le plus juste, inshallah ta'ala, et il n'y a pas de doute en cela, en prenant compte donc des textes qui ont été cités. ثم العلماء تكلموا في مسألة لو صلينا على عدة جنائز. Les savants, ils ont aussi abordé un sujet, si on prie sur plusieurs janaïs. Plusieurs. Des hommes, des femmes, des enfants. Est-ce qu'on va faire une janaïsa pour les hommes? Ensuite, lorsqu'on finit, on refait une pour les femmes. Ensuite, lorsqu'on finit, on refait une pour les enfants. Ou comment on fait? Pour les hommes. Pour les hommes. On les positionne d'une manière. On les positionne d'une manière. Qu'ils soient conformes. C'est-à-dire, c'est quoi qu'ils soient conformes? Les femmes à part. Donc décalé. Si l'imam se pose au niveau de la tête, il faut les mettre au niveau de la mosquée. D'accord. Et qui est près de l'imam? Les hommes, les femmes, les enfants? Comme dans la salat. Comme dans la salat. Les hommes. Donc, ceux qui sont proches de l'imam, ce sont les hommes. Ensuite, les femmes, et après les enfants? Non, les femmes après les enfants. Les enfants après les femmes. C'est ça qui a été rapporté donc des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme Anas wa ghayrihi et qui nous disent hadhihi as-sunnah. C'est-à-dire que l'imam, il se tient debout. On a d'abord les hommes, donc ceux qui sont morts, qui sont devant l'imam. L'imam, il se tient au niveau de la tête de ces hommes-là. Ensuite, on met les enfants juste après le rang des hommes. Et ensuite, on met les femmes. D'accord ? Et ensuite, on met les femmes. Il y a aussi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ont aussi prié sur donc, plusieurs femmes qui sont mortes avec des enfants. Ils ont d'abord placé les enfants et ensuite les femmes. Et ils ont affirmé que ceci est la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pas besoin de faire une prière pour les hommes, une prière pour les femmes, une prière pour les enfants. Non, on peut faire une prière pour tout le groupe. Mais bien respecter cet ordre, c'est-à-dire d'abord on met les hommes à côté de l'imam, ensuite les enfants et ensuite les femmes. Est-ce que c'est bien compris? Et voilà pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. On arrête là. Pourquoi? Parce que les hadiths qui viennent après, ce sont des hadiths qui parlent donc de sujets interdits durant la genèse. Et donc on ne va pas mélanger les deux sujets en même temps pendant les cours. On va donc faire deux cours séparés, inshallah. Et la semaine prochaine, on continue sur Al-Janaiz. ما شاء الله بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا